L'ennemi des ailes, par Lucie de la rue Mardrus. L'étrange adolescente, fille de notaire, et qui ressemblait aux fées, venait de descendre de la voiture. « Continuez si vous voulez, moi je reste là. » Les jeunes gens et jeunes filles entassés dans l'auto-découverte, comme des fleurs dans une coupe, s'agitèrent sous l'effet de l'émotion. « Tu es folle, puisque nous avons décidé d'aller là-bas jusqu'au casino. » Mais, debout dans le vent de mer, environnée de voiles palpitants, petite victoire grecque toute vivante au soleil, l'adolescente secoua la tête. « Je ne remonterai pas dans l'auto, vous pouvez continuer sans moi. » Ses grands yeux foncés bleus, tendrement cernés, chargés de cils courbes, se dilataient dans sa face toute pâle. Un bout de tresse noire apparaissait sous l'écharpe violette dont sa tête était par trois fois drapée, et le manteau souple que la brise plaquait sur sa longue personne semblait quelque sombre étoffe mouillée, tant les formes se dessinaient bien dessous. Pourquoi ses camarades de promenade ne devinaient-elles point qu'elle ne céderait pas? Sur la route, encore sauvage, qui menait la jeune bande parisienne vers ce casino, but d'un court voyage de Pâques, tout à coup on avait longé la mer. C'était inattendu. La mer, la mer! Au battement de main de l'adolescente, chacun avait compris qu'elle ferait arrêter l'auto. Certes, on ne déchiffrait pas bien son caractère, mais on adorait qu'elle eût souvent des caprices. Elle était l'enfant gâté de la petite compagnie, la plus jeune, la plus jolie, la plus mystérieuse. Tous ses petits amis, toutes ses petites amies subissaient, sans savoir pourquoi, la domination de son charme. Elle régnait sur eux par la douceur et par le silence. Et quand ses yeux de 16 ans se mettaient à rêver, une sorte de respect instinctif l'entourait. Les jeunes filles riaient moins fort. Les jeunes gens se mettaient à parler bas. Adrienne était leur inspiré, leur poète. Il l'avait nommée Apollonie. Comment une fille d'Apollon est-elle née d'un notaire, fils de notaire ou de sa notairesse? Il y a des énigmes dans les familles. La génération spontanée, qu'on dit ne pas exister dans la nature, se manifeste parfois dans les âmes. Seule de son espèce, Adrienne Apollini n'avait rien de commun avec les siens. Son père et sa mère, ses oncles, ses tantes, tout son entourage, essaient d'expliquer ce qu'elle a d'inexplicable en disant « c'est une originale ». Cette phrase-là simplifie dans le monde bien des choses. Enfant unique, choyée, bien qu'incompréhensible, elle n'a pas eu le temps encore de souffrir d'une personnalité si marquée. Elle a 16 ans. Elle croit que la vie continuera toujours à flatter ses penchants. Ses amis, qu'on lui laisse choisir en toute liberté, l'aiment parce qu'ils sont tout jeunes comme elle, encore proches de la complaisante et charmante enfance. Elle est heureuse. « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux donc trouver sur cette plage où il n'y a personne ?» Toutes les têtes sont tendues, interrogatives, vers Apollonie. « Écoutez, dit-elle doucement, il n'y a rien à craindre, n'est-ce pas? Le pays est sûr et nous sommes en plein jour. Allez jusqu'à ce casino, vous autres, puisque ça vous tente tellement. » « Moi, je me promènerai toute seule, pendant une heure ou deux, sur ce sable-là. Quand vous aurez pris le thé, vous reviendrez me chercher. »« Nous resterons avec toi, » crient deux ou trois voix câlines. « Non, » répond-elle, « je veux être seule. Toute seule. » Le débat dura quelques minutes, puis, comme toujours, les autres cédèrent. Il n'y avait pas de parents dans l'auto. La seule personne sérieuse était le mécanicien, un vieux serviteur. Il hocha la tête, grommela, protesta, mais tout fut inutile. Et la bande folle, cédant la fantaisie de la mystérieuse, partit avec des éclats de rire, la laissant toute seule sur la route. Apollonie s'approcha d'un pas lent, trouva, parmi la brousse courte du talus printanier, le sentier qui descendait à la mer. Et quand elle fut très proche des vagues, qui montaient avec calme leur marée diurne, elle frissonna d'un plaisir singulier. La mer l'avait toujours troublée. Elle la retrouvait chaque année comme une amie. Elle aimait regarder à ses pieds les 1000 trésors que les vagues, en reculant, laissent sur les plages et les grèves. Il lui semblait toujours qu'elle allait découvrir quelque chose d'inouï parmi les coquilles, les cailloux, les brins d'algues, les méduses, tout ce petit musée marin, tout cet échantillonnage venu des profondeurs noires que personne ne connaît. Le fond de la mer est le dernier royaume à peu près inviolé du merveilleux. Sait-on, en somme, si parmi les ténèbres où vivent les squales lumineux, dans des jardins de matrépores ignorés, il n'en reste pas, quelque part, des sirènes. Quand elle avait longtemps scruté les galets, les flaques, tout le désordre salé du bord, la jeune fille relevait la tête pour regarder au large, alors son cœur se serrait, pris d'une indéfinissable mélancolie. La mère, comme elle aimait son exactitude et son caprice, comme elle vénérait cette force primitive, identique de nos jours à ce qu'elle fut à l'âge de pierre. Les yeux clignés, les narines ouvertes, elle respirait le grand souffle de l'horizon, avec la sensation de boire l'infini tout entier. Et ce qu'elle avait d'indomptable dans son âme se mettait à vivre plus fort, devant l'élément que rien n'avait jamais pu asservir, en face duquel l'homme reste impuissant, comme si l'Esprit de Dieu même hantait l'océan, et de toute son éternelle majesté repoussait les outrecuidantes tentatives de la créature. Apollonie amançait, petite chose très grande, toute seule et toute droite, le long des vagues. Ses voiles tourbillonnaient, jetées avec l'embrun, jetées du côté de la terre. Elle ne pensait pas, elle ne rêvait même pas. Elle faisait partie du vent, de l'écume, des nuages. Elle n'était presque plus humaine. Depuis combien de temps, solitaire et le regard perdu, suivait-elle la rive? Des gens qui la croisèrent la firent tressaillir. Puis, au bruit énorme de la marée, d'autres bruits se mêlèrent. Une fumée flottait, une jetée s'avança, des toits se dressèrent, une ville. C'était un de ces tout petits ports des côtes de l'Ouest où les voiles des barques de pêche ont l'air de circuler dans les rues parmi les vieilles maisons ardoisées. Apollonie n'avait pas fait un geste de surprise qu'elle se vit environnée par une troupe de gamins barbouillés et loqueteux dont les pieds nus barbotaient, rouges, dans le sable et la vase. « Mademoiselle, mademoiselle !» Des petites mains sales s'avancent. Apollonie jette une exclamation. Car ses mains d'enfant déguenillées tendent vers elle, vivante et palpitante, une grande mouette qui cherche à se débattre, encore que ses ailes, cruellement croisées, immobilisent tout effort. « Achetez-la, mademoiselle. 20 sous, ce n'est pas cher. Vous en ferez un chapeau. On va vous la tuer tout de suite, si vous voulez. »« Un chapeau ?» se récrie l'adolescente. « Si vous aimez mieux, vous lui couperez une aile et vous la mettrez dans votre jardin avec les poules. » « Avec les poules ? » s'indigne-t-elle. Puis, « Petit malheureux, comment avez-vous pris cette mouette ?» Les enfants rient. « On les pêche à l'hameçon comme du poisson, nous en vendons à tous les Parisiens qui viennent par ici. » Le grand oiseau blanc remuait ses pattes nageuses, ouvrait grand son œil fixe, aussi clair que celui de certains matelots. Opiniâtre à lutter quand même contre son destin, il cherchait à donner des coups de bec à droite, à gauche, avec toute la bravoure et toute la colère de sa race. « J'achète cette mouette, » dit la frémissante jeune fille. « Voilà les 20 sous, donnez-la-moi. » Quand elle eut dans les mains la captive martyrisée, elle commença par la presser contre elle du geste qui caresse les colombes. Mais elle sentit le cœur de la mouette lui frapper durement les doigts comme un petit caillou. « Va, n'aie pas peur, » fit-elle, « je vais te délivrer. » Alors elle ouvrit ses deux mains pour que la mouette ouvrit ses deux ailes, pour qu'elle s'envolât vers le large, sa patrie. Mais peut-être y avait-il plusieurs heures que les ailes étaient croisées. Au lieu de s'enfuir, portée par son envergure blanche vers l'horizon, la mouette commença par retomber lourdement à terre, puis courant sur ses pattes comme une simple volaille, tombant roude, se retenant, elle s'enfuit droit dans la première rue du port. Apollonie s'était élancée, les gamins la suivirent avec des ricanements. La mouette, malgré la paralysie de ses ailes, allait vite. « Rattrapez-la, rattrapez-la !» cria la jeune fille. Et ce fut une course effrénée, comique, entre les vieilles maisons grises. Les gens se mettaient sur les portes pour regarder. Dans l'espoir d'un pourboire, les gamins se bousculaient, grossis à chaque instant par des camarades. Arrivée au quai qui longe le premier bassin, la mouette affolée fut sur le point de se laisser prendre. Mais une main qui la frôlait déjà la manqua. Sans doute, les ailes engourdies retrouvaient-elles peu à peu leur souplesse. Les ouvrit tout à coup, prit son vol. Mais ce fut juste pour passer au-dessus de quelques canaux amarrés, tournoyer un instant, puis retomber sans force au beau milieu du bassin. « Rattrapez-la, rattrapez-la !» Avec quelle ardeur l'adolescente la voulait, sa mouette. Sa pensée vertigineuse disait « Je la soignerai, je la guérirai. » Et dès que l'or a repris sa vigueur, j'irai la porter tout près des vagues. Et c'est alors qu'elle pourra s'envoler vers son horizon pour ne plus jamais revenir. Des centaines de curieux s'étaient penchés au parapet du quai. Avec angoisse, la jeune fille regarda de leur côté. Tous ces hommes et toutes ces femmes, ils sentaient certainement comme elle qu'il fallait sauver la mouette. Car chaque être humain, ayant de l'âme une envergure cachée, doit comprendre et désirer la liberté des ailes. Or, au moment où ses yeux magnifiques en appelaient au peuple, l'enfant vit se produire quelque chose d'horrible. 20 mains, armées soudain de pierres, se mirent à la pied des oiseaux blancs qui nageaient désespérés du côté du large. Une rage possédait cette foule, des plaisanteries, des rires se croisaient. Les pierres, brutalement lancées, faisaient rejaillir l'eau vaseuse autour de la mouette attaquée. Apollonie joignit les mains. Sans voix pour parler, pour apostropher, pour supplier, elle regardait le spectacle intolérable. Tout à coup, la mouette se dressa. Sa poitrine, gonflée de plumes, sortit de l'eau, son cou se tendit, ses ailes se déployèrent, elle avait retrouvé toutes ses forces. Mais, au moment où le vol allait s'étaler, large ouvert, étincelant de blancheur dans un brusque coup de soleil, une pierre plus à droite siffla. Les plumes blanches se teintèrent de rouge, les ailes battirent, se refermèrent. La mouette était blessée à mort. Elle plongea, reparut. Déjà, grimpés sur les canaux, les gamins tendaient les doigts pour atteindre la bête moribonde et flottante. Alors, Apollonie, toute seule au milieu des gens, sanglota. Peut-être le poète, en elle, comprenait-il soudain la destinée qui l'attendait elle-même. Elle ramena sur son visage un pan de sa longue écharpe, et c'était pour cacher ses larmes. Mais c'était peut-être aussi pour se voiler la face devant la foule, devant l'ennemi des ailes. Lucie de la rue Mardrus.